travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. César ouvrit un théâtre nouveau. Il créa la scène qui devait devenir désormais le centre de l'histoire universelle. Puis il s'est fait le maître du monde grâce à une lutte qui ne se décida pas dans Rome même, mais il dut conquérir tout le monde romain. Il s'opposait à la vérité, à la République, mais en réalité seulement à l'ombre de celle-ci, car tout ce qui restait encore de la République était sans force. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Cette émission nous vaut de recevoir beaucoup de livres. Celui de Christian-Georges Schwenzel m'a stimulé d'emblée. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, tant son propos s'inscrivait dans la ligne de notre rendez-vous. Il s'intitule en effet « Manuel du parfait dictateur, Jules César et les hommes forts du XXIe siècle ». L'auteur, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Lorraine, franchit les millénaires pour travailler à nous démontrer qu'un parallèle s'impose entre César d'un côté et de l'autre Erdogan, Orban, Modi, Xi Jinping, Poutine, Duterte et même encore Bolsonaro et même, pourquoi pas, Donald Trump. Et voilà qui est rudement stimulant, même pour qui aurait le goût de crier à l'anachronisme. Il s'agit pour mon invité de démontrer comment le fabuleux destin de Jules César, apprenti dictateur engrangeant tous les succès, enseignerait une manière universelle de faire accepter sans trop de violence intestine un pouvoir absolu. Il s'agit de faire l'inventaire des divers procédés par lesquels on assure aux classes populaires dont on se fait le champion ostensible qu'on leur rendra le pouvoir arraché aux élites corrompues et décadentes. Comment on instrumentalise leur colère, comment on leur distille de belles histoires dont celle de l'homme providentiel, comment on leur offre à point nommé des fêtes et des spectacles, comment on utilise sans vergogne la religion à des fins politiques, comment on déclenche ou l'on esquisse des guerres qui seront précieuses pour unifier les passions, et comment, finalement, on contourne les institutions devenues les remparts dérisoires de la démocratie au profit d'un pouvoir qui se veut d'ordinaire aussi long que la vie du maître ainsi instauré. Il est vrai que Jules César est finalement assassiné, comme on sait, parce que tout a une fin. Mais c'est une fin qui survient parfois bien tard. Il est vrai que l'histoire des siècles passés devrait servir de mentor au temps présent. Mais non point dans un sens vulgaire, comme si l'on pouvait, en tournant simplement les pages, découvrir les configurations du présent dans les archives du passé et dégager de celles-ci les symptômes pour un diagnostic politique et les éléments d'une prescription. Elle n'est instructive que pour autant que l'observation de formes plus anciennes de culture révèle les conditions organiques de la civilisation en général et pousse les hommes non pas à une imitation irréfléchie, mais à une reproduction indépendante. Et en ce sens, l'histoire de César et de l'impérialisme romain, avec toute la grandeur indépassable du maître d'œuvre et toute la nécessité historique de l'œuvre, est en vérité une critique acerbe de l'autocratie moderne, plus mordante que tout ce que la plume pourrait jamais produire. L'histoire ne privera point le véritable César et l'honneur qui lui est dû, sous prétexte que son verdict risque, à cause des mauvais Césars, d'égarer les simples et d'offrir aux coquins l'opportunité de se livrer au mensonge et à la fraude. Mommsen, Histoire romaine. Christian-Georges Schwenzel, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé, pour ouvrir notre conversation, un extrait de l'œuvre du très célèbre historien allemand du XIXe siècle, Theodor Mommsen, fondateur d'une dynastie d'ailleurs d'historiens, qui a eu le prix Nobel en 1902, un peu de temps avant sa mort. Et ce propos m'a paru propre à ouvrir notre conversation, je dirais même à en ouvrir d'autres. On pourrait presque, je ne le ferai pas, remplacer les mots de Marguerite Yourcenar, dans notre générique par ceux de Mommsen, qui est un peu un apôtre, on a peut-être le droit de le dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, de la concordance des temps. Exactement, tout à fait, oui, c'est très intéressant ce passage de Mommsen qui met en relation l'Antiquité et le présent, enfin le présent de Mommsen, le 19e siècle. On aimerait bien d'ailleurs avoir l'opinion de Mommsen au sujet des imitateurs contemporains de Jules César. Qu'aurait-il dit de ces adaptations indépendantes du modèle, mais qui sont caractéristiques de notre début du 21e siècle? Oui, nous allons être privés de son opinion sur votre livre, je l'annonce tristement. Oui, en commençant. C'est bien dommage. Nous allons néanmoins avancer d'un pas très ferme. Ce qui m'a frappé en vous lisant, c'est qu'au fond, vous auriez eu probablement de la peine à écrire le même livre, en tout cas une hésitation à écrire le même livre il y a 30 ans, au moment où, après la chute du mur, on célébrait partout, notamment aux États-Unis, l'idée qu'on arrivait à une sorte de démocratie universelle. C'était les fariboles de Fukuyama, par exemple. Aujourd'hui, on voit partout les dictatures, les quasi-dictatures, les démocraties libérales surgir. D'où votre livre. C'était l'apogée de la démocratie dans ces années 1990. Et aujourd'hui, enfin en tout cas depuis l'extrême fin du XXe siècle, ça commence avec Hugo Chavez au Venezuela, puis Poutine, on a un retour à des régimes autoritaires et à des parfaits dictateurs. Enfin, ce que j'appelle un parfait dictateur, c'est-à-dire des Césars, enfin des leaders comme César, qui ne cherchent pas à terroriser la population prioritairement, mais d'abord à séduire le peuple et à se poser en champion du peuple. Le terme populisme est extrêmement intéressant. Bon, c'est un terme qui apparaît beaucoup dans les médias depuis le début du XXIe siècle. C'est un terme qui, évidemment, est contemporain, mais il est formé sur le mot populus. Le mot populus, qui est un terme latin qui désigne le peuple. Et donc, ce terme populus jette un pont entre notre monde contemporain et l'histoire antique, l'histoire de la Rome antique. Le peuple, c'est un mot en même temps un peu ambivalent, c'est à la fois l'ensemble d'une population et ça désigne les classes populaires. Ça désigne les classes populaires et alors dans le contexte... Le populo, comme disait De Gaulle. Oui, et alors dans l'Antiquité romaine, l'État romain se définit de la manière suivante, c'est le Sénat et le peuple romain, donc une élite de sénateurs, et le peuple de base. Optimates, populares. Alors, oui, et optimates contre populares. Alors, il y avait, il y a 2000 ans, enfin, à partir de la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle avant Jésus-Christ, une violente crise à Rome, une crise politique, crise sociale aussi, qui opposait deux factions rivales. D'un côté, ce qu'on appelait les optimates, enfin, ceux qui défendaient les intérêts de l'élite, et puis, de l'autre côté, les populares, ceux qui défendaient les intérêts du peuple, les intérêts du populus. Et ce sont eux, d'une certaine manière, les premiers populistes de l'histoire. Alors, Jules César s'est fait le champion de ces populistes, enfin, de ce populus de l'Antiquité, et d'une certaine manière, on peut dire que c'est le premier grand leader populiste de l'histoire. Il y en a eu d'autres avant lui, moins connus, comme Marius. D'ailleurs, Jules César va prendre exemple sur Marius. Marius contre Sylla, Marius qui, deux générations auparavant, avait incarné précisément, après les Gracques même antérieurement, avait incarné cette lutte des populares. Voilà, c'était le leader, oui, des populares contre les optimates, contre Sylla, leader, quant à lui, des optimates. Et Marius est mort en 86 avant Jésus-Christ. Et ensuite, c'est Jules César qui va reprendre le flambeau et s'affirmer comme le nouveau Marius, champion du populus. C'est nous, c'est eux. Ce sont déjà les propos de Chavez, le leader vénézuélien, qui s'écrie devant son public. Où sont les patriotes? Oui, la foule répond, ici, c'est nous. Puis il lance, où sont les traîtres? Et la foule répond, c'est eux, cette évolution binaire. Et déjà au travail dans votre période, et c'est le fondement de votre comparaison, audacieuse, mais à mes yeux convaincante, entre l'époque de César et la nôtre. Oui, je pense que c'est vraiment Jules César qui est à l'origine de ce discours binaire de confrontation entre nous et eux. On en a un témoignage tout à fait éloquent dans deux lettres, enfin surtout la première lettre, Ad Caesarem, ce sont des lettres ouvertes adressées à César par un partisan fervent de César. on pense qu'il pourrait s'agir de l'historien Salluste. Et alors, dans ces lettres qui servaient en fait de support à la propagande, hein, les copies de ces lettres circulaient dans l'Empire, on a vraiment cette stratégie qu'on pourrait qualifier de stratégie anti-système, avec ce peuple souffrant qui est toujours opposé à une élite, à une oligarchie corrompue qui pratique le donnant-donnant, le clientélisme, qui méprise le peuple. Et donc il faut redonner sa voix au peuple, la voix au sans-voix en quelque sorte. Hein. Et c'est César qui, en tout cas c'est ce que demande l'auteur de cette fausse lettre, hein, de cette lettre ouverte à César, redonne au peuple sa grandeur et sa dignité. Alors évidemment, on pense au discours de Chavez, mais aussi au discours de Trump, hein, ou au slogan de Trump, « Make America Great Again », ou encore au discours d'investiture de Donald Trump en janvier 2017. Hein. C'est un discours qui est un chef-d'œuvre absolu de rhétorique populiste, puisque Trump dit qu'il ne s'agit pas de son investiture à proprement parler. Ce n'est pas un nouveau président des États-Unis qui est investi, mais c'est vous, le peuple, le forgotten people, le peuple oublié, c'est vous qui allez prendre, Trump, les rênes de cette nation. Et Trump plagie d'une certaine manière Hugo Chavez, qui avait tenu à peu près le même discours à Caracas lors de son investiture, hein, à l'extrême fin du XXe siècle, puisque Chavez avait dit « je ne suis que votre instrument, ce n'est pas moi, je vais m'effacer, et c'est vous, le peuple, qui allez maintenant gouverner. » Vous pensez que Trump avait lu Salluste? C'est peut-être un scoop, ça. Ah, je ne sais pas s'il avait lu Salluste. Enfin, en tout cas, il est sans doute plus intelligent ou plus manipulateur qu'on a pu le croire, parce que on ne l'a pas toujours vu venir. On l'a méprisé. Enfin, on l'a présenté comme un bouffon, comme un imbécile. Et son élection a étonné le monde entier. De la même manière, d'ailleurs, on n'a pas vraiment vu venir Jules César non plus. Lui aussi a été d'une certaine manière méprisé par Pompée, qui se reposait sur ses lauriers, qui était très sûr de lui, qui ne l'a pas vu venir. C'est même un des thèmes essentiels chez les historiens latins, Suétone, ou encore chez l'historien de langue grecque Plutarque. On peut citer d'ailleurs Plutarque à ce propos. Il écrit dans sa vie de César, « Il n'est pas de commencement si faible qu'il ne s'accroisse promptement par la persévérance. » Tirant du mépris même qu'inspire cette faiblesse, l'avantage de ne pouvoir rencontrer d'obstacles à ses progrès. On pourrait appliquer ça probablement à Trump, qu'on n'a pas pu venir. Absolument. Et aux autres aussi. À Bolsonaro aussi. Je vais vous faire entendre Bolsonaro, parce que au moment de son investiture, Trump était lui-même un imitateur de Chavez, peut-être, en tout cas suivait sa ligne. Bolsonaro est évidemment un imitateur de Trump. On est là le 1er janvier 2019, et c'est un reportage de Olivier Poujade pour France Inter. Le Brésil, Hélène, bascule dans l'inconnu. L'extrême droite prend le pouvoir de la plus grande puissance d'Amérique latine. L'extrême droite, à travers un visage, un homme, Jair Bolsonaro. C'est un tournant radical dans le pays. 15 ans après l'arrivée au pouvoir de la gauche, de l'ancien syndicaliste Lula, le nouveau président est auréolé d'une popularité exceptionnelle. Face à lui, ce soir, une foule compacte, colorée, jaune et verte, les couleurs du Brésil. Et vous êtes au milieu de cette foule, Olivier Poujade, notre envoyé spécial à Brasilia. Tous derrière lui pour rebâtir le Brésil, délivrer le pays, dit-il, de l'idéologie socialiste. Tout ce que voulait entendre Glaura. C'est une fan de la première heure, admiratrice d'un discours qui, selon elle, est ancré depuis toujours dans le cœur des bons citoyens. Ce vers qui va enfin se tourner Jair Bolsonaro. Il est la voix du Brésilien silencieux, du Brésilien de droite, conservateur, traditionnel, qui défend la famille, qui jusqu'ici se taisait. Comme un écho devant le palais présidentiel, Bolsonaro finit de sceller cette relation fusionnelle avec ses électeurs. Les élections ont donné la parole à ceux qui n'étaient pas entendus. Nous pouvons, vous, moi et nos familles, rétablir les principes éthiques et moraux qui transformeront le Brésil. Tout ce que nous ferons n'a qu'un seul but, non négociable, faire passer les intérêts des Brésiliens avant tout. Le America's First de Trump, version tropicale, dans le discours la ressemblance est évidente. Bolsonaro dénonce le politiquement correct et prône le retour à des valeurs qu'il juge fondamentale. Brasilia, Gilles Gagnaro, Olivier Poujade, France Inter. Il y a aussi cette donnée qu'on retrouve jadis et aujourd'hui, le retour à des valeurs antérieures qui ont été perdues. Oui, et ça c'est tout à fait valable pour Jules César. Jules César conteste cette république, qui est une république dans les faits oligarchique. Il faut surtout pas se méprendre. Pour un Romain, la république, c'est la république qui est dominée par une aristocratie. Le pouvoir est censitaire. Les riches ont un poids électoral largement supérieur aux plus pauvres. Et donc, d'une certaine manière, César propose un retour. Alors c'est compliqué parce que la royauté a été maudite lorsque les Romains ont chassé leur dernier roi, Tarquin le Superbe, en 509. Mais d'une certaine manière, il propose une sorte de retour vers la monarchie antérieure à cette république oligarchique. Une monarchie populaire, populiste en quelque sorte. D'autant plus qu'il affirme descendre d'un roi. Et oui, et un des derniers rois. Il affirme, en fait, il descend de plusieurs rois, il descend de la déesse Vénus aussi, et par la même occasion, d'Énée, de Iule aussi. Oui, il se réfère aussi à Ancus Marcius, dont il s'affirme le descendant. Et c'est une manière de, en quelque sorte, d'aller contre le politiquement correct de l'époque, parce que le politiquement correct existe déjà dans la République romaine aristocratique. C'est la royauté qui n'est pas politiquement correcte. Et lui, dans ses discours, fait référence de manière positive à cette royauté. De la même manière, on peut dire que Erdogan, aujourd'hui, ce César turc, se réfère au passé monarchique ottoman. C'est ce qu'on appelle parfois le néo-ottomanisme d'Erdogan. En passant à pieds joints au-dessus de l'époque de Kemal Atatürk. Voilà, pour discréditer cette république qui est également présentée comme une sorte de république en fait confisquée par des oligarques, une république laïque, une république kémaliste, et lui... Il préfère Mehmet II Fatih, le conquérant, comme on l'a vu encore dernièrement en juillet 2020. Erdogan va faire la prière dans l'ancienne basilique Sainte-Sophie, reconvertie pour l'occasion en mosquée. Il est dans la même position que Mehmet le conquérant en 1453, qui était allé faire la prière quelques jours après la conquête de Constantinople, qui va devenir Istanbul. Donc il y a ce retour à un passé antérieur à une république qui n'était pas une vraie démocratie. C'est une manière aussi pour un apprenti dictateur qui est originaire des classes favorisées, comme Jules César, ou comme Trump d'ailleurs. Je ne parle pas de Trump comme un dictateur, mais enfin comme un homme fort que nous évoquons. Parmi les autres, il y a ceux qui sont originaires de ces classes favorisées et ceux qui sont issus du peuple. Oui, ils appliquent deux stratégies différentes. Oui, en fait, bon, ça revient au même, c'est-à-dire que l'origine du leader, de celui qui veut devenir un César, importe peu. C'est-à-dire que s'il est d'origine populaire, comme Chavez, Poutine, Erdogan, il va exploiter, notamment dans le cadre d'un discours sur sa jeunesse difficile, cette origine populaire. C'est ce que fait Narendra Modi aussi très bien en Inde. Mais il y a des leaders populistes qui sont issus de l'élite. Jules César appartenait vraiment à une des grandes familles patriciennes, la Gens Iulia. Trump, c'est un milliardaire, son père était déjà très très riche. Duterte lui-même, président des Philippines, malgré sa vulgarité, en fait il cache un peu son jeu d'une certaine manière. Son père est un avocat et un homme politique philippin. Donc peu importe l'origine, parce que dans tous les cas, elle peut être exploitée dans la stratégie du leader populiste. Quand il est originaire d'un milieu favorisé, il lui suffit de dire qu'il est un outsider, qu'il est un transfuge de sa classe sociale. Et un bon connaisseur de surcroît des procédés de la dite classe supérieure. Oui, exactement. C'est ce que fait Jules César. Il se fait le champion du peuple contre cette élite corrompue qu'il connaît, d'autant mieux qu'il en est issu. Alors je voudrais maintenant, Christian-Georges Schwenzel, que nous en venions à une évocation des différents procédés de la séduction du leader populiste. C'est un des domaines où le rapprochement que vous faites sujet de notre émission entre Jules César et les dictateurs ou semi-dictateurs contemporains est le plus éclairant. Oui, alors il y a plusieurs procédés. Donc moi, je les ai regroupés hein, sous la forme de 10 leçons que je suis allé chercher enfin, autant que possible hein, dans la tête de Jules César. On ne sait pas ce que Jules César pense réellement, évidemment. C'est compliqué d'entrer dans la tête de César. Mais en tout cas, on peut quand même en extraire un certain nombre de leçons de stratégie politique pour devenir un leader populiste. Alors d'abord, s'exprimer simplement et raconter de belles histoires. Oui, Jules César a fait des études très poussées de rhétorique, mais il fait semblant de ne pas être un orateur, de ne pas être un bon orateur. Il s'excusait même de son style très simple, de fausses excuses évidemment. Hein. Il disait « Excusez mon style qui est un style de militaire, d'homme d'action, je n'ai pas le style fleuri des orateurs de l'élite. Hein. » Par exemple de Cicéron, il dit « Doit-on maintenant tenir pour négligeable la connaissance de cette langue simple ?» que nous employons tous les jours. Et d'ailleurs, quand on fait du latin aujourd'hui au collège, assez rapidement, enfin, on traduit des textes de César, c'est relativement facile à traduire. La guerre des Gaules. Voilà, la guerre des Gaules, alors que Cicéron, il faut attendre quand même quelques années avant de pouvoir se lancer dans la traduction de ces phrases très amples, très, très, très longues. Donc, il adopte un style très simple. De la même manière, Viktor Orban en Hongrie répète « Bon, je ne suis pas un intellectuel, hein, surtout pas. Hein. Parfois, ce style est même un peu vulgaire, ou franchement vulgaire. Donc là, c'est pas vraiment le cas de Jules César. C'est le cas, par exemple, de Rodrigo Duterte, le César philippin, qui, lui, s'illustre par un certain nombre d'insultes qui font beaucoup rire, d'ailleurs, ses partisans, son auditoire, comme cette formule « putang inamo » en langue tagalogue, hein, mot à mot, avec des guillemets, ça veut dire « ta mère est une pute hein. ». Et le président américain Obama a été le destinataire de ces trois mots. Il a annulé ensuite une rencontre qui était prévue avec Duterte. Bon, ça a engendré une petite crise diplomatique sur laquelle ensuite Duterte revient très habilement dans d'autres discours pour s'excuser faussement comme Jules César. Il pratique la fausse excuse pour faire à nouveau rire son auditoire, et pour faire la leçon à Obama, parce qu'il explique que Obama n'a rien compris. Putang inamo, ce n'est pas une expression à prendre à la lettre, c'est une simple expression d'agacement de la part de Duterte. Et, alors ce qui est très habile aussi de la part de Duterte, qui connaît parfaitement l'histoire des Philippines, qu'il a étudié, il a fait des études notamment de sciences politiques, il insulte, non pas Obama à proprement parler, mais le président des États-Unis, de cette puissance qui a dominé les Philippines. La première partie du XXe siècle. Oui, jusqu'en 1946. Et il y a une sorte de revanche historique. Duterte, maintenant, insulte le président de l'ancienne puissance qui a colonisé les Philippines. Là, il est plus difficile de trouver un équivalent exact avec César. Oui, parce que César, d'abord, n'est pas vulgaire, et d'autre part, il n'y a jamais d'ennemi extérieur, en fait, dans l'Antiquité. Alors qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette opposition binaire entre nous, le peuple, nous qui avons été esclaves, nous qui avons été opprimés, et eux, les traîtres, eux, l'oligarchie, il y a aussi, en plus, aujourd'hui, cet élément étranger, une oligarchie qui a pactisé avec des puissances colonisatrices, des puissances impérialistes. C'est ce que fait Chavez. Les ennemis vénézuéliens de Chavez sont à la solde des États-Unis. Ce sont des traîtres vendus à l'impérialisme américain. Et Narendra Modi fait la même chose. L'élite indienne a pactisé avec les musulmans, les Pakistanais, qui sont considérés comme l'ennemi extérieur avec lequel, donc, les traîtres seraient en relation étroite. Qui avait trop pactisé avec le colonisateur britannique. Exactement. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. L'art de s'exprimer de façon simple, c'est aussi une manière de manier des petites phrases. Parfois, elles sont l'effet d'une maladresse, mais le plus souvent, elles sont calculées habilement. C'est le cas de Jules César. On pense à Veni, vidi, vici, ou bien Alea, jacta est, rappelez-nous les circonstances. Oui, non, je crois qu'il y a vraiment enfin, aucune maladresse, c'est tout à fait calculé. Veni, vidi, vici, hein, c'est vraiment une formule parfaitement ciselée en latin. Alors, le contexte de cette petite formule, qui aurait fait un excellent tweet, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, si César avait pu avoir un compte Twitter, il ne s'en serait sans doute pas privé. Jules César était en Égypte, dans les bras de Cléopâtre, en 47. Nous y reviendrons à ces aspects un peu lascifs de sa personnalité. Oui, très bien. Lorsque il apprend la révolte du roi du Pont, donc en Asie mineure, en Turquie actuelle, le roi Pharnace se soulève. Et donc, il doit quitter l'Égypte très rapidement pour aller écraser la révolte de Pharnace, et c'est là qu'il prononce ces trois mots, hein, « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu », pour humilier l'adversaire, l'ennemi vaincu, et montrer aussi sa propre rapidité et son efficacité. Et en même temps, ça lui permet aussi d'humilier, après la mort de Pompée, puisque Pompée est mort un an plus tôt, d'humilier celui qui a été son principal adversaire, puisqu'il ajoute, après ce « Veni, vidi, vici », et dire que Pompée avait tiré l'essentiel de sa gloire, de sa victoire sur un ennemi aussi facile à vaincre. Pompée avait vaincu le père de ce roi Pharnace, vaincu par Jules César. Donc c'est une formule assassine, hein, coupante. Vous parlez de Mithridate. Oui, c'est le fameux Mithridate qui était présenté à l'époque comme l'ennemi numéro un des Romains. Il avait fait assassiner d'ailleurs un grand nombre de Romains lorsqu'il avait envahi l'Asie mineure. Et c'est donc Pompée qui avait vaincu Mithridate. Allez, Ajax, c'est le moment où, mais passons vite, où il franchit le Rubicon, alors que c'était interdit avec une légion. Pour marcher sur Rome et pour s'emparer du pouvoir. Le Rubicon était une petite rivière, appelons-le, qui séparait le nord de l'Italie de Rome. La province de Gaule cisalpine, hein, Jules César était le gouverneur de plusieurs provinces au nord de l'Italie, la Gaule cisalpine, la Gaule transalpine, le sud de la France actuelle, et l'Illyrie, en Croatie actuelle. Et en janvier 49, il s'apprête à franchir ce cours d'eau, le Rubicon, pour réaliser un véritable coup d'État, pour prendre le pouvoir à Rome. Alors, ses soldats sont sans doute un peu hésitants. Il leur adresse un discours devant le Rubicon. Enfin, il manifeste vraiment ses talents de metteur en scène. Il fait intervenir un acteur qu'il a recruté on ne sait où, un bel homme, hein, un grand musclé, qui arrive de nulle part, hein, qui s'empare de la trompette d'un légionnaire romain, il se met à jouer de la trompette et il traverse le pont sur le Rubicon en direction de l'Italie. Et là, Jules César prononce sa fameuse formule « Alea iacta est », les dés sont jetés, allons où nous guident les signes envoyés par les dieux. C'est une mise en scène. Enfin, cet acteur, en fait, jouait le rôle d'une divinité spécialement descendue du ciel pour donner le signal de la marche sur Rome. Alors, ça nous conduit à un autre aspect, à un autre procédé du leader populiste que vous évoquez. Christian-Georges Wenzel, c'est l'art d'organiser des spectacles, la politique du spectacle, les spectacles de cirque. Et vous faites un rapprochement assez convaincant avec la télé-réalité de Trump. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Je pense que les ressorts sont tout à fait les mêmes, qu'il s'agisse des combats de gladiateurs qui ont été promus par Jules César. Plus de 100 quand même qu'à la télévision. Les conséquences ne sont pas les mêmes, évidemment. Quand il offre 320 paires de gladiateurs revêtus de cuirasses d'argent pour le 20e anniversaire de la mort de son père, c'est assez impressionnant. Je parle de Jules César. Là, il y a effectivement des mises à mort en direct. Hein, et Jules César a vraiment misé sur ce qu'on appelle la gladiature. Il y avait déjà eu quelques combats de gladiateurs auparavant à Rome. Mais c'est lui, véritablement, qui donne cette importance à ces combats, puisqu'il offre en effet 640 gladiateurs, 320 duels au début de sa carrière politique. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le caractère interactif de ces jeux, parce que on demande quand même aux spectateurs leur avis. Enfin, c'est eux qui rendent le verdict final. Ils peuvent même descendre parfois dans l'arène. Oui, Jules César a aussi invité, alors ça c'est plus dans un second temps, quand il s'est emparé du pouvoir à Rome entre 49 et sa mort en 44 avant Jésus-Christ, où là, oui, c'est un peu la fête permanente et on propose, dans le cadre de cette véritable politique spectacle, aux citoyens d'aller s'amuser aussi. Alors, c'est pas du tout dangereux, là. Ce sont des jeux spécialement organisés pour des citoyens qui veulent s'amuser. Ils vont s'amuser à combattre contre des bêtes qui sont préalablement, enfin, de toute évidence, droguées. Mais ça permet d'amuser le peuple, de divertir le peuple et de le détourner aussi des véritables enjeux politiques. Il faut savoir s'affirmer comme un homme providentiel. Comment devient-on charismatique? Vous trouvez aussi dans la vie de César des éléments qui peuvent être appliqués aux circonstances contemporaines et à l'émergence des leaders que nous connaissons. Écoutez cet extrait de La vie des 12 Césars de Suétone. Suétone est un grand historien qui nous renseigne beaucoup sur tout ça, parfois un peu cancagné, mais toujours intéressant. Au début du IIe siècle après Jésus-Christ, c'est une lecture de Philippe Lodenbach dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture, le 22 mai 1995. Et puis ensuite un autre extrait, lu par Catherine Terouin, qui remonte sur France Culture au 17 novembre 1994. Une vie, une œuvre. Le héros comme endurant tout, le héros comme séduisant tout. César était un homme de guerre et un cavalier accompli, d'une endurance incroyable. En marche, il précédait ses troupes, quelquefois à cheval, plus souvent à pied, la tête découverte malgré le soleil ou la pluie. Il couvrait de très longues étapes avec une incroyable célérité, sans rien emporter avec lui, dans une voiture de louage, parcourant chaque jour une distance de 100 000 pas. Si des fleuves l'arrêtaient, il les franchissait à la nage, ou soutenu par des outres gonflées, de sorte que, bien souvent, il devança ses courriers. On s'accorde à penser qu'il était enclin au libertinage, dépensait beaucoup pour ses plaisirs, et qu'il séduisit un très grand nombre de femmes de la brillante société, parmi lesquelles Postumia, femme de Servius Sulpicius, Lollia, femme d'Aulus Gabinius, Tertulla, femme de Marcus Grassus, et même Mussi, femme de Cneius Pompée. Il aima aussi des reines, entre autres Eunoé de Mauritanie, femme de Bogoude, à laquelle il fit, ainsi qu'à son mari, une quantité d'immenses présents, si l'on en croit les écrits de Nason. Mais il aima surtout Cléopâtre. Suétone, les 12 Césars. Les deux versants de l'homme séducteur, du héros, l'endurance physique, le sport, et puis la séduction. Oui, Jules César est vraiment, c'est l'homme viril parfait selon les critères de la virilité romaine. Hein. Il est très endurant, il marche sous le soleil, sous la pluie pendant des heures, il est un excellent cavalier, un excellent nageur. Hein. Toutes les nuits avec ses légions dans la guerre des Gaules. Voilà. Et alors, on peut remarquer que ce modèle a été repris par exemple par Vladimir Poutine. Hein. Là aussi, le côté sportif légitime le chef aux yeux des Russes aussi aujourd'hui. Il se montre torse nu, à la chasse, notamment en Sibérie. Il pratique de très nombreux sports, comme on peut le voir d'ailleurs sur son site officiel, hein, sur le site de Vladimir Poutine Kremlin. Enfin, il y a toute une série de sports, hockey sur glace. C'est un très bon nageur comme César. Le judo, le ski, l'équitation, le rafting. Exactement, voilà. Mais alors, il y a une petite différence quand même. Ça nous montre l'habileté de Poutine. Poutine s'adapte quand même à certains critères, à certaines attentes de sa population, qui sont sensiblement différentes quand même de l'époque de César. C'est un César, un imitateur indépendant, on pourrait dire, pour reprendre l'expression de Théodore Mommsen. Par exemple, quand il chasse des animaux, quand il est torse nu et qu'il se montre en chasseur, ce n'est pas pour tuer les animaux, c'est dans un but scientifique, pour les étudier, pour les endormir. Hein. On le voit en train de tirer sur des animaux, mais ce sont des somnifères, en fait, qu'il tire sur les animaux en question, un tigre de Sibérie, ou encore, on le voit poursuivre une baleine, par exemple, dans l'océan, avec une arbalète. Pourquoi? Non pas pour la tuer, mais pour prélever, simplement, un échantillon de la peau de la baleine en question, afin de pouvoir l'étudier, et afin de protéger ces espèces menacées ou en voie de disparition. Et là aussi, sur le site de Poutine, vous avez cette activité, la protection de ces espèces. Alors, c'est très habile, parce qu'il se met quand même dans la position du héros viril, chasseur, mais sans tuer les animaux. C'est une virilité protectrice. Donc c'est un excellent imitateur, avec une adaptation aussi de ce modèle de Jules César. L'autre aspect, c'est évidemment la capacité de séduction. Pas forcément d'ailleurs comme collectionneur, mais en tout cas comme un homme laissant volontiers savoir, connaître les multiples conquêtes qu'il peut faire. Oui, c'est-à-dire que les femmes ont toujours été valorisantes hein, pour les leaders politiques. On le voit dès l'aube de l'histoire de l'humanité, les souverains de l'Orient, les pharaons collectionnaient les femmes, ils avaient des harems. Mais dès l'époque de Jules César, la possession des femmes n'est plus ressentie comme valorisante. C'est la séduction qui est privilégiée. Donc Jules César n'a pas de harem. Mais il séduit de nombreuses femmes, des romaines, dont, paraît-il, la femme de Pompée. Il aurait fait cocu Pompée. Enfin, on soupçonne peut-être une invention de la propagande de César. Hein, pour... La guerre civile prend des formes étonnantes. Oui, c'est vraiment, on utilise toutes les armes, y compris l'arme phallique, on pourrait dire, hein, d'une certaine manière, parce que Jules César est un héros viril, un héros phallique, un peu comme Hercule. Hercule, c'est un conquérant, il avait séduit de nombreuses femmes dans divers pays, comme Jules César. Voilà. Cléopâtre, reine d'Égypte, et d'autres aussi, comme Eunoé, qui régnait sur le Maghreb actuel. Donc ça, c'est un modèle herculéen, on pourrait dire, que reprend ici Jules César, ou disons le discours à la gloire de César. D'où le souci qu'il a eu de cacher qu'il avait une faiblesse physique, qui était des crises d'épilepsie, qu'on montre d'ailleurs dans le fameux film de Mankiewicz sur Cléopâtre avec Burton et oui. Elizabeth Taylor. C'est ce que dit Suétone, hein. Effectivement, il avait des crises sans doute d'épilepsie, mais plutôt vers la... Ça, on cache. Vers la fin de sa vie. Oui, ce qui est important aussi, c'est que alors ces conquêtes féminines, cet aspect érotique valorisant, il faut, cela dit, savoir en faire quand même bon usage. Et là aussi, c'est Jules César qui vraiment nous explique comment utiliser ces exploits sexuels. Il ne faut pas en parler soi-même. Il ne parle pas de Cléopâtre ou alors très rapidement, hein, comme dans La guerre d'Alexandrie, qui est un des ouvrages du corpus césarien, donc écrit par César ou par ses proches, elle est juste évoquée comme ça en passant, mais rien n'est dit de la relation intime entre César et Cléopâtre. Là, on n'est pas dans la vulgarité de Trump, par exemple, ses propos fameux et si oui, vulgaires. Quand il dit, bon, les femmes, il suffit, voilà, quand on est une star, il suffit de les prendre, voilà. Par la chatte, dit-il. Bon, il avait regretté ensuite ses propos qu'il avait qualifiés de propos de vestiaire. Donc, ne jamais se vanter, mais faire fantasmer quand même le peuple en organisant des fuites, en quelque sorte. Utiliser d'autres canaux que les canaux officiels. Alors, il me semble que Vladimir Poutine a pu utiliser justement cette technique de César à propos de sa relation avec une gymnaste russe, qui est une star d'ailleurs en Russie, au corps très élastique, hein, qui a d'ailleurs à peu près il y a même différence d'âge entre Poutine et sa gymnaste qu'entre Jules César et Cléopâtre, hein, une trentaine d'années. Vous poussez le parallèle très loin. Oui, et il y a eu des fuites dans la presse. Enfin, tout le monde sait que Poutine entretient une relation avec Alina Kabayeva, il a même eu des enfants avec elle, mais quand on lui pose directement la question, il n'en parle pas, il dément, il dit « bon, ce sont des fantasmes érotiques », mais en même temps, il fait fantasmer quand même, d'une certaine manière, la population. Donc il faut savoir en jouer pour mettre en valeur sa virilité, ça fait partie aussi de ces procédés qui vous rendent charismatique, enfin, quand vous êtes un leader... populiste. Je voudrais maintenant que nous en venions à d'autres ressorts utilisés par Jules César et par ses descendants contemporains, si je vous lis bien, Christian-Georges Fenzel, c'est l'utilisation de la religion à des fins politiques et c'est l'utilisation de la guerre esquissée ou de la guerre réalisée au dehors pour unir le peuple derrière le leader. Mais d'abord la religion. Oui, on peut dire que la religion, alors c'est antérieur à Jules César. Hein, la religion a toujours permis de construire la figure charismatique du leader. Alors Jules César le fait très très bien. Il dit qu'il descend de la déesse Vénus, qui est la déesse à la fois du charme, de la beauté, mais aussi de la victoire. Ça, je ne pense pas que les dictateurs contemporains aient jusqu'à cette extrémité. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à la religion de son peuple. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle religion. On se demande même d'ailleurs si les dieux et les déesses n'ont pas été inventés précisément dans un but politique, puisque on voit bien à l'aube de l'histoire de l'humanité, en Mésopotamie et en Égypte, que les premières divinités connues apparaissent en même temps que les premiers chefs. Donc cet usage politique qui peut être fait de la religion, c'est presque la norme dans l'histoire de l'humanité. Alors il faut simplement bien choisir sa divinité ou sa religion. Ben, il suffit de reprendre la religion du peuple majoritaire, du peuple que l'on prend pour cible. On peut utiliser la religion polythéiste des Romains quand on est Jules César, hein, utiliser Vénus. On descendait à la fois de la sainteté des rois et de la majesté des dieux. Pour justifier à la fois un pouvoir monarchique avec un éclat divin en plus, et alors vous pouvez aussi utiliser la figure du Christ, si la population que vous prenez pour cible est chrétienne, c'est ce que fait Hugo Chavez, qui n'est pas du tout marxiste de ce point de vue-là, bien qu'on le considère comme un populiste de gauche, il met en avant la figure du Christ. Vous pouvez utiliser la religion chrétienne orthodoxe, comme le fait très très bien Vladimir Poutine, l'hindouisme, pour Narendra Modi. Je vois que Pablo Iglesias, qui vient de quitter Podemos et la vie politique espagnole, disait qu'il était persuadé que Jésus-Christ aurait voté Podemos. Voilà. Si on était fait d'ailleurs un peu la tête dans l'iconographie traditionnelle. Il se débrouille d'ailleurs pour lui ressembler. Hein. Effectivement, il avait prononcé cette phrase dans la presse. Hein. Oui, Jésus-Christ aurait fait partie de Podemos. Des évangélistes pour Bolsonaro, c'est éclatant. Oui, tous les conservateurs chrétiens d'ailleurs, les évangéliques et les catholiques ont soutenu Bolsonaro. Et on peut utiliser aussi la religion musulmane des masses pieuses de l'Anatolie qu'instrumentalise à merveille Erdogan en Turquie. On rejoint le propos de l'historien de langue grecque Polybe. Qui disait à ce propos, puisque les masses sont légères, avides, effrénées, déraisonnablement colériques, enclines à la violence passionnelle, il ne reste qu'à les brider par la crainte d'entités qui ne sont pas visibles et autres semblables impostures. Oui, la crainte, et en plus, ça permet de flatter aussi ce peuple, parce que, comme le dit notamment Vladimir Poutine, la religion orthodoxe, en l'occurrence, fait partie de l'identité du peuple. Donc il y a aussi cet aspect-là. En plus, la religion est à la fois politique et identitaire dans ce discours des populistes. Il est d'ailleurs notable que même après l'assassinat de César par les optimates, pas par des sénateurs aux Ides de Mars en 44 avant Jésus-Christ, même après, cette aura religieuse continue de prévaloir du côté de ses successeurs, ce sera le cas d'Octave. Écoutez donc ce qu'en dit Suétone, toujours lui, dans La vie des douze Césars. C'est un extrait de Une vie, une œuvre sur France Culture, le 17 novembre 1994. Il périt dans la 56e année de son âge et fut compté au nombre des dieux, tant par la déclaration de ceux qui lui décernaient cet honneur que par la conviction du peuple. En effet, dans les jeux consacrés à sa mémoire que donnait son héritier Auguste, une comète brilla pendant 7 jours de suite, se levant vers la 11e heure. Et l'on crut que c'était l'âme de César reçue dans le ciel. C'est pour cela qu'il était représenté avec une étoile au sommet de la tête. On décida de murer la curie où il avait été tué, d'appeler les Ides de Mars du nom de parricide, et de ne jamais assembler le Sénat ce jour-là. Suétone, les 12 Césars. Donc même après la mort de Jules César, tué donc de 23 coups de couteau sénatoriaux aux Ides de Mars, même après sa mort, cette aura religieuse perdure et est instrumentalisée. Oui, et on voit bien d'ailleurs l'extraordinaire popularité de Jules César, qui a parfaitement réussi à instaurer cette symbiose avec le peuple, puisque les assassins de César pensaient qu'ils allaient être acclamés comme de véritables libérateurs par le peuple romain. C'était pas du tout ce qui se passe. Les Romains, la plèbe urbaine de Rome se réunit sur le forum romain et demande la divinisation de Jules César. Et cette divinisation, effectivement, elle va avoir lieu dans les mois qui suivent. Elle va surtout bénéficier au fils adoptif, enfin au petit-neveu et fils adoptif de Jules César, le futur empereur Auguste. Octave donc, Auguste. Voilà, Octave, qui va se présenter comme le fils du divin. Alors, dans la religion polythéiste des Romains, c'est facile, on peut toujours créer de nouvelles divinités, mais c'est quand même la première fois qu'un leader politique politique, défunt et divinisé à Rome. César devient le Divus Iulius, hein, donc le divin Jules, et officiellement, il y a eu une apothéose, il est monté au ciel, son corps a été brûlé sur un bûcher, sur le forum, mais son âme s'est élevée dans le ciel, et des astronomes ont officiellement repéré une comète dans le ciel, qu'on appelle le Sidus Iulium, l'étoile julienne, preuve de son admission dans l'Olympe parmi les dieux. Pour rester avec la comparaison avec Poutine, on est frappé de voir qu'après la longue période marxiste, il s'est beaucoup rapproché de l'Église orthodoxe. Le patriarche de Moscou, le patriarche de Russie, est un de ses familiers, oui, ostensiblement. Cyril, il se serait même connu, semble-t-il, déjà au KGB. Enfin, en tout cas, Cyril est très proche de Poutine et sert de caution religieuse à Poutine, qui ne rate d'ailleurs aucune occasion pour jouer la piété, pour montrer sa piété, comme par exemple en janvier 2018, où Poutine se met torse nu, il aime bien montrer sa virilité athlétique, et il se plonge dans l'eau du lac Seliger. Très froid. Voilà, très froid, les eaux glacées, pour montrer sa piété devant les caméras, évidemment, et entouré aussi d'un certain nombre de religieux en tenue traditionnelle. On pourrait trouver une histoire semblable dans le cas de Bolsonaro. Oui, qui est allé en pèlerinage, en Terre Sainte, en Israël, et il est allé se plonger dans le Jourdain peu de temps avant de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle de 2018, qu'il a remportée grâce au soutien, d'ailleurs, de tous les conservateurs chrétiens, qu'ils soient catholiques, parce que lui est d'origine, d'une famille catholique, ou évangélique. Hein, sa femme, par contre, est évangélique. Donc il réunit finalement tous les catholiques conservateurs et remercie Dieu, d'ailleurs, lors de sa première interview après son élection. Il est l'instrument de Dieu. Il est presque messianique. D'ailleurs, c'est son deuxième prénom, Jair Messia. Bolsonaro, parce que dans le storytelling, l'histoire officielle de sa jeunesse, sa mère, paraît-il, n'espérait plus avoir d'enfant lorsqu'elle tombe enceinte du futur Bolsonaro, Jair, qu'elle va appeler Messia, justement, parce que c'est une naissance un peu miraculeuse, après 10 ans. À propos de Bolsonaro, on pourrait aussi développer les liens avec les grandes figures sportives. Je pense à Ronaldinho qui vient soutenir Bolsonaro, etc. Mais venons-en à un dernier chapitre qui me paraît essentiel, qui est celui de l'utilisation de la guerre utile, qu'elle soit d'ailleurs concrète ou qu'elle soit simplement menaçante. Oui, alors là aussi, c'est Jules César qui nous donne une magnifique leçon d'exploitation de la guerre. Il a tout fait, nous disent les auteurs anciens, Suétone, Plutarque, pour déclencher des guerres, parce qu'il sait que c'est la guerre. Enfin, c'est peut-être triste à dire, mais là aussi, depuis les temps les plus anciens, la guerre a toujours été valorisante pour le chef. La première définition, finalement, du pouvoir, qu'est-ce que c'est tuer d'autres hommes. C'est ce que l'on voit dès les premiers pharaons qui sont représentés en train de massacrer des ennemis. Les massacres de temps de la République romaine, c'était épouvantable. Nous avons fait une émission récemment. Ah oui, absolument. Mais alors, ce qui est bien quand même, ce qui est valorisant, ce n'est pas de tuer des citoyens romains, c'est de tuer des barbares, des ennemis étrangers barbares. Et c'est ce que fait Jules César. Vous faites une comparaison stimulante entre la guerre des Gaules d'un côté, cela surprendra peut-être, mais vous allez nous expliquer pourquoi, et la guerre de Poutine contre les Tchétchènes. Oui, exactement, parce que Poutine a bien suivi la leçon de Jules César. Jules César déclenche, provoque la guerre des Gaules. Il n'y avait pas de nécessité absolue, de menace directe sur les provinces de l'Empire romain. Donc il cherche un ennemi et il déclenche. Sciemment, disons, cette guerre pour s'en servir de tremplin politique. De la même manière, quand Poutine devient Premier ministre en 1999, il est très peu connu du grand public, il va profiter d'attentats sanglants qui sont commis à Moscou en septembre 1999, des attentats à la voiture piégée attribués à des terroristes tchétchènes. Et c'est là qu'il prononce d'ailleurs sa fameuse phrase « Les terroristes, on va les buter jusque dans les chiens ». patriotes. Toujours pour illustrer la vulgarité de certains propos. Oui, alors c'est la seule phrase vulgaire d'ailleurs de Poutine qui sinon est plutôt sur le modèle de César et il n'est pas spécialement vulgaire. Mais là, sa vulgarité est très bien calculée parce qu'il est en phase du coup avec les attentes de la population russe, enfin d'une grande partie de la population russe. Et il se fait connaître et déclenche la seconde guerre de Tchétchénie qui va permettre aux Russes de reprendre possession de cette république sécessionniste. Enfin, du coup, vous faites un parallèle entre Vercingétorix et le président tchétchène. Aslan Masradov, oui. Qui tend la main pour un accord, une main qui est refusée aussitôt. Oui, parce qu'on sait que Masradov était un modéré. Et il a lui-même condamné ce président tchétchène élu, qui avait été reçu d'ailleurs par Boris Yeltsin en 1998 à Moscou. Donc c'est un président modéré qui condamne les attentats commis par les terroristes tchétchènes, mais Poutine ne veut absolument pas négocier avec Masradov au motif que on ne discute pas avec des terroristes. De la même manière, quand Vercingétorix se rend à Alésia, c'est parce qu'il espère de toute évidence négocier avec Jules César, sinon il se serait suicidé, enfin il serait mort au combat. Or, Jules César ne négociera pas avec Vercingétorix, il ne va pas négocier une fin rapide de la guerre des Gaules, il va mener une guerre jusqu'au bout comme Poutine. Poutine fait finalement tuer Masradov, hein, qui est abattu par des forces spéciales russes, et Poutine remet ostensiblement des médailles aux soldats russes qui ont tué Masradov. Quant à Vercingétorix, il est égorgé à Rome à l'issue du triomphe organisé par Jules César. Est-ce que vous pourriez verser au même chapitre le cas de Erdogan, dans ses attitudes guerrières des moments récents? Oui, il intervient un petit peu partout, là aussi, pour devenir charismatique. Hein, on l'a vu en Syrie, en Libye, ou encore en 2020, aux côtés des Azerbaïdjanais dans le Haut-Karabakh. Enfin, il a permis à l'Azerbaïdjan de récupérer un certain nombre de districts du Haut-Karabakh. Donc il y a bien cette dimension-là, guerrière. Il le dit d'ailleurs lui-même, Erdogan. Hein, il faut restaurer l'esprit de la conquête, dit-il, chez les Turcs, faisant référence à ce sultan conquérant qu'on a déjà évoqué, Mehmed II Fatih. Et il faut aussi, dit-il, aller soutenir les peuples opprimés, enfin ceux qu'il présente comme des peuples opprimés, dans le monde, au-delà des frontières de la Turquie. Donc avec toujours cette stratégie de victimisation qui justifie, dans le cas d'Erdogan, un impérialisme au-delà des frontières de la Turquie, dans le Haut-Karabakh, notamment en 2020. En Libye. Et en Libye aussi, oui, aux côtés du gouvernement de Tripoli. Tout cela aboutit dans tous les cas, ou à peu près, dans un désir de perpétuation au pouvoir. Et pour ça, il faut évidemment bousculer les règles démocratiques. Dans un premier temps, Jules César est dictateur très brièvement, et puis après, il le redevient à vie. On pense à ce que fait Poutine lorsqu'il fait récemment changer la Constitution pour avoir le droit de rester au pouvoir au-delà du nombre des mandats. Pendant un premier temps, il avait été obligé de laisser brièvement la place à Medvedev. Donc il change la Constitution, il peut rester au pouvoir jusqu'à l'âge de 83 ans. Vers 2036, hein, c'est ça. Alors là aussi, on peut dire que c'est le modèle, c'est vraiment Jules César qui joue avec ses institutions républicaines. Le titre de roi est interdit à Rome, donc César ne peut pas être roi. Mais il va se débrouiller quand même pour devenir un véritable monarque en s'abritant derrière des titres républicains. Il est consul, il est dictateur. La dictature est tout à fait autorisée, hein, ça fait partie des institutions romaines à cette époque. On peut être dictateur pour 6 mois, théoriquement. Cincinnatus, retournant ensuite à sa charrue. Oui, voilà, en période de crise, mais ce n'est n'était pas un leader populiste. Contrairement à César, le leader populiste, lui, cherche à se maintenir au pouvoir à vie. Donc César cumule les titres républicains légaux. Enfin, il ne devrait pas les cumuler, mais il cumule des titres qui sont légaux, consul, dictateur, et finalement, il est même nommé dictateur à vie en février 44, un mois à peine avant son assassinat. Poutine, lui, ne peut pas, évidemment, se prendre le titre de tsar, hein, évidemment. Alors, il utilise les titres légaux, il est Premier ministre, puis président, puis, vous l'avez dit, Premier ministre de Medvedev, président. parce qu'il utilise des marionnettes. L'époque où il respectait encore les institutions, un peu. Oui, enfin, c'est un faux respect des institutions, précisément comme Jules César, qui, pour respecter en apparence les institutions romaines, il y avait deux consuls à Rome chaque année, donc Jules César est l'un de ces deux consuls, l'autre consul, c'était en général Isauricus, qui n'est connu des historiens aujourd'hui que pour avoir été la marionnette de César. D'ailleurs, les humoristes à l'époque disaient « il y a deux consuls actuellement, Jules et César ». Oui, ça c'était lors de son premier consulat en 59. Je ne sais pas si vous aurez persuadé nos auditeurs, nos auditrices, Christian-Georges Fensel, qui sont toujours, pour certains d'entre eux, réticents et inquiets du risque d'anachronisme. Il me semble que votre démonstration a été assez parlante. Vous continuerez d'être attentif à tout ce qui validera votre thèse ? Ah bah oui, et évidemment, dans un avenir proche. Bah, parce que nous vivons quand même une époque de crise qui est source de nombreuses angoisses. On le voit encore avec cette crise sanitaire en ce moment, qui tarde à se terminer. Et donc, des ambitieux, des leaders populistes pourraient profiter de ces angoisses. De ces angoisses et puis de cette idée aussi que le monde ouvert, la mondialisation aujourd'hui, elle peut être vue comme une forme de démesure, comme une forme de danger. De surcroît dominée par des élites qui, dans l'ombre, tirent les ficelles des malheureux citoyens égarés. Oui, et donc tout cela pourrait servir de tremplin électoral à des leaders populistes, à des leaders qui se poseraient en nouveau César, protecteur du peuple contre des dangers et un avenir terriblement incertain. Eh bien, on verra. Souhaitons que l'avenir démente ces sombres prévisions. Christian-Georges Fensel, votre livre s'appelle « Manuel du parfait dictateur », je le rappelle, « Jules César et les hommes forts » et « Les hommes forts du XXIe siècle », paru aux éditions Vendémiaire en 2021. Vous avez une œuvre déjà abondante, notamment une biographie de Cléopâtre, en parallèle avec celle qu'avait produite Maurice Sartre. Oui, oui. Nous donnerons naturellement une bibliographie plus complète sur notre site. J'évoquerai néanmoins La fabrique des chefs, d'Akhenaton à Donald Trump, toujours chez Vendémiaire en 2017. C'était le même thème ? C'est présenté de manière plus chronologique et surtout, c'est un ouvrage qui est essentiellement consacré à de l'histoire ancienne, alors que là, mon nouveau livre, c'est moitié César, moitié imitateur contemporain de Jules César. Vous n'aviez pas encore fait le grand saut. Je voudrais citer aussi, avec considération, le petit livre que vient de publier Raphaël Dohan, comme l'indique la quatrième de couverture, ancien élève de l'École normale et de l'ENA, agrégé d'aide classique, il n'a que 26 ans. Et il signe son premier livre « Quand Rome inventait le populisme ». Il rejoint d'ailleurs vos thèses, en particulier dans un dernier chapitre. Oui, je le cite d'ailleurs, c'est un ouvrage extrêmement intéressant. Dernier chapitre sur Jules César. Récemment, la belle collection Bouquins a donné un tout César, discours, traités, correspondances et commentaires. C'est à la fois en latin et en français, édition oui. Juxta. Ce sera très utile et à nos... C'est extrêmement utile. Hein. Notamment à nos auditeurs et auditrices qui sont latinistes. Une publication de Robert Laffont, assurée par Alessandro Garcia. Samedi prochain, nous parlerons, il y aura forcément une petite ambiance de nostalgie, vous allez voir, nous parlerons des restaurants. Des restaurants, ah, oui. Voici longtemps, point de suspension. Et je recevrai pour en parler Antoine Debecq, grand spécialiste, des bonheurs de la bonne chère. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui consacrera sa semaine au thème de la gauche en quête du pouvoir. Autre actualité, assurément. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Yves Lehors, François Merlin à la discothèque, et pour les archives de l'INA, Véronique Jolivet. Et je remercie aussi la documentation et la bibliothèque de Radio France, qui nous offre toujours un appui précieux. Dans quelques instants, vous pourrez rejoindre Christine Ockrent, comme chaque samedi, pour son émission Affaires étrangères.